tant de désirs. Pour que je goûte à ta bouche, moi qui suis tant farouche. Mais c'est sur ma peau qui ronronne. Goûte à goût, je goûte à ta bouche, et je crois bien que t'as fait mouche. Offre-toi, que je m'abandonne. Sourelle et sans mêle, yeah, yeah, yeah. Se touche, exulte. Prisonnière.